paroles et nos actions, on va reprendre notre assise, inshallah, sur la continuité de l'étude et de la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, dans une traduction rapprochée relative, le monothéisme à l'état pur, ou bénéfique, le monothéisme bénéfique à l'état pur. Et donc on reprend, on s'est arrêté, on avait terminé hier sur l'explication du passage concernant le polythéisme lié aux actes, aux actions. Et l'auteur avait cité des exemples à cela. Ensuite, l'auteur dit « وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمَ نِتَّخَدَ قُبُورُ الْأَنْبِيَا وَالصَّلِحِينَ مَسَاجِدْ يُصَلَّ لِلَّهِ فِيهَا فَكَيْفَ مَنِ اتَّخَدَ الْقُبُورُ أَوْثَانًا تُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَذَا لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمَ أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر ما صنعوا وفيه عنه أيضا. Alors, on reprend à cette partie. Ensuite, l'auteur dit, et là, l'auteur va traiter la question concernant le fait de prendre les tombes comme mosquées, littéralement, comme lieu de prière dans l'explication, comme ça viendra. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Et à citer l'arna, la malédiction, du fait de prendre les qubur, qubur al-anbiya wa salihin masajid, de faire sur les tombes des prophètes et des vertueux des mosquées, c'est-à-dire des lieux de prière. فَكَيْفَ مَنِ اتَّخَدَ قُبُورُ أَوْثَانًا تُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et l'auteur dit, quel est le cas alors de prendre ces tombes comme idoles adorées en dehors d'Allah? Et il dit, ceux-là n'ont pas compris la parole du Créateur, « إِيَّاكَ نَعْبُدْ » C'est toi que nous adorons. Le verset 5 de la Sourate Al-Fatiha. C'est pour ça qu'ensuite il va mentionner le verset, dans, ou plutôt le hadith, dans l'authentique, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ » Le prophète a dit, « Que soit maudit al-Yahoud wa-Nasara, qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme masajid, comme mosquée, littéralement, on a dit le sens comme lieu de prière. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette pratique. Et donc on voit qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Après avoir cru aux prophètes et messagers, on n'est pas à l'abri de sombrer dans des formes de polythéisme et de dévier de l'appel des prophètes et des messagers, malgré qu'on peut prétendre suivre l'appel des prophètes et des messagers. Et comme on l'a appris précédemment, et c'est une évidence, que tous les prophètes et tous les messagers envoyés de Dieu, envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont appelé à l'adorateur d'un créateur, à l'adoration, pardon, d'un créateur unique. Et donc, les croyants ne sont pas à l'abri. Et donc, l'auteur dit que, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait une portée d'attention pour que sa communauté ne sombre pas dans des formes de polythéisme en élevant les prophètes et les messagers, et en faisant de leurs tombes des endroits, des lieux d'adoration. Et que celles-ci soient prises comme mosquées. Comme mosquées. Donc on voit que les communautés précédentes n'ont pas été à l'abri de cela. De dévier du message de leurs prophètes et de leurs messagers. Et Shaitan, le diable, ne les a pas laissés. Et c'est pour cela que le prophète, en somme, met en garde aussi notre communauté et sa communauté qu'il nous arrive, comme il est arrivé à des communautés précédemment, qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière, comme lieu d'adoration, comme mosquée, littéralement. Et donc une question se pose. Beaucoup de musulmans pensent que, par contre, cette communauté, la communauté musulmane, elle est infaillible. De sorte qu'il ne peut pas lui arriver. Qu'il ne peut pas lui arriver ce qui est arrivé aux communautés précédemment. Et beaucoup de musulmans pensent cela. On réitère la question, cette question qui a souvent été posée. Est-ce que la communauté musulmane, les musulmans, sont à l'abri de sombrer et qu'il leur arrive, c'est-à-dire ces dérives, de dévier du chemin et de l'appel des prophètes et des messagers, de sorte à faire l'inverse que ce que nous ont appelé les prophètes et les messagers, c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prendre ses prophètes comme idoles et adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la réponse, comme disent les grands théologiens musulmans et les grands penseurs et savants musulmans, il dit que la communauté musulmane aussi n'est pas à l'abri. Et comme c'est arrivé aux communautés précédentes, ça peut arriver aussi aux musulmans. Sauf que certains pensent que non, les musulmans, eux, sont à l'abri. Ils ne peuvent pas tomber dans des formes de polythéisme. Ils sont à l'abri de cela. Et ils sont sauvés de cela. Par contre, ils ne tirent pas leçon de ce qui est arrivé aux communautés précédemment. Ils ne tirent pas leçon de cela. Or, comme vous avez pu entendre dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde que nous aussi, dans notre communauté, on tombe dans cela. Et on dérive. Dans ces formes, on dévie vers ces formes de dérive. Et donc, c'est une annonce qui est très importante. Donc, la communauté musulmane, les grands savants musulmans disent qu'elle n'est pas infaillible. Elle n'est pas à l'abri de sombrer dans des formes de polythéisme. Et, bien sûr, le sujet est long. Pourquoi ? Parce que cette réponse-là, elle est basée et fondée sur des textes. En l'occurrence, dans une assise précédente, on avait déjà mentionné un hadith qui fait office de preuve et d'argument appuyant cet avis-là. Lorsqu'il est dit dans un hadith, parmi les signes de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le vivant de ma nation, de ma communauté, rejoindra les polythéistes. Yalhaq wa hay min ummati bil mushrikin. La taqum sa'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne viendra point l'heure jusqu'à ce que le vivant de ma nation, de ma communauté, rejoindra les polythéistes, c'est-à-dire les adorateurs d'idoles. Ceux qui adorent autre que le Créateur. Et de là, et qu'un groupe de ma communauté adore les Al-Awthan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et qu'un groupe de ma communauté adore les idoles. Et les savants se sont basés, entre autres, sur ce hadith, pour conclure que notre communauté aussi, comme les communautés précédentes, n'est pas à l'abri de sombrer dans des formes de polythéisme. Et donc, ceux qui veulent adorer un créateur unique et qui veulent être monothéistes ne peuvent pas prendre les tombes, même si ce sont les tombes de vertueux, de saints, comme lieu de prière, c'est-à-dire comme mosquée. Et c'est pour ça que l'auteur commence à évoquer un sujet très important. Donc le musulman doit faire attention. Le musulman, la musulmane, doit faire attention et toujours avoir ce rappel et de lire dans l'histoire des hommes, l'histoire des différentes communautés, des différentes nations et comment beaucoup ont dévié de l'appel de leurs prophètes et de leurs messagers. Et beaucoup de musulmans aussi, du fait qu'on l'a dit qu'ils ne sont pas à l'abri, et ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent dévier du message originel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est arrivé, comme on va décrire dans ce qui va suivre, et on verra que c'est une réalité. Comme il s'est produit pour des communautés précédentes, il s'est produit cela aussi pour notre communauté. Beaucoup de musulmans ont dévié du message originel du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et on va le prouver dans ce qui va suivre. Et l'auteur aussi, il nous explique cela, pour prouver cela, et on va prouver dans les lignes qui arrive avec la mention de d'autres récits. L'auteur, après avoir cité ce premier hadith, قال, il va citer un autre hadith. Un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari, Mu'allaqan, la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Min shirari nas, man tudrikuhum as-sa'a, man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya, wa ladina yattakhidun al-qubur masajid, wa fihi ayadhan anhu sallallahu alayhi wa sallam, wa inna man kana qabrakum kanu yattakhidun al-qubur masajid, ala fala tattakhidu al-qubur masajid, fa inni anhaakum an dhalik. » Wa qala fi musnad al-imami Ahmad, في صحيح ابن حبان رضي الله عنه رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث. وقال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بانوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Alors, on reprend ces hadiths qui sont immenses. Des hadiths vraiment où il y a une immense portée d'attention pour les musulmans et un immense avertissement pour tout croyant. Pour tout croyant. Vous savez, le but du croyant, c'est de préserver son culte. C'est que sa croyance, ses adorations qu'il voue au Créateur soient acceptées du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans une très belle parole, الشأن كل الشأن ليس أنك تحب ولكن الشأن كل الشأن أنك تحب. Dans une parole, il est dit, l'affaire, toute l'affaire, ce n'est pas que toi tu aimes. Mais l'affaire, toute l'affaire, c'est que tu sois aimé. أنك تحب. Dans le sens, les savants ont expliqué cette parole en disant, l'affaire, toute l'affaire n'est pas que tu prétendes aimer. Bien sûr, nos adorations sont basées sur ce pilier qui est l'amour. L'amour. On aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais beaucoup prétendent l'amour du Créateur. Aimer le Créateur. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup disent « j'aime Dieu ». Souvent appelé ainsi. Donc, les gens, beaucoup de croyants, prétendent aimer le Créateur. Mais les grands théologiens musulmans et les spécialistes dans les sciences religieuses, ils disent « mais l'affaire, toute l'affaire, c'est que tu sois aimé ». Prétendre, les prétentions, prétendre quelque chose, dans le sens, les savants expliquent, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le dire. Et tout le monde revendique aimer le Créateur. Mais la vraie affaire, c'est quoi ? C'est d'être aimé. C'est-à-dire que le Créateur nous agrée et accepte notre culte. Et que celui-ci, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié, nous aime. C'est ça l'affaire, toute l'affaire. Sinon, prétendre, tout le monde prétend aimer le Créateur. C'est bien pour cela que dans le Coran, il y a un verset qui est appelé le verset de l'épreuve. Ayatul mihna, le verset d'épreuve. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est encore une preuve, ce verset, que le peuple à qui s'adressait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avec qui le prophète avait une divergence, et vers qui il était envoyé, pour les rappeler vers la lumière de l'adoration du Créateur. Du Créateur. Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qul, dit. Donc Allah s'adresse au messager d'Allah, en lui disant, dis quoi ? Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Allah dit au prophète, dis-leur, dis, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera. Et Allah vous aimera. Et donc Allah Azza wa Jal vous aimera, il pardonnera vos péchés. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Il pardonnera vos péchés car il est le tout miséricordieux et le grand pardonneur. Subhanahu wa ta'ala. Et les savants, pourquoi ils ont appelé ça le verset de l'épreuve ? Parce que ensuite, ce fut une épreuve pour les gens. Si vous revendiquez et prétendez aimer le Créateur, vous devez suivre, c'est l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal vous donne. Vous devez suivre le messager d'Allah. Et en cela, Allah vous aimera. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Dis, si vraiment vous aimez Allah d'un amour véritable, ça prouve qu'ils aimaient Allah. Et ça prouve qu'ils croyaient en Allah. On a encore une preuve. Que les Quraysh, le peuple du prophète, sallam, avec tout ce que vous connaissez de la vie du prophète, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut souvent lire dans la biographie la vie du prophète, sallam, tout ce que son peuple lui ont fait, tous ses torts, tous ses préjudices, tous ses supplices, toutes ses tortures qu'ils ont fait en expulsant le prophète sallam, de sa terre natale, la terre sacrée, qu'il aimait tant, et tout ce qu'ils lui ont fait. Malgré tout, l'antagonisme, l'adversité, la divergence qu'il y avait entre ce peuple, Quraysh, et le prophète, donc n'était pas sur la croyance en Allah. Puisqu'Allah leur dit, dites vraiment, si vous aimez Allah, ça veut dire qu'ils aimaient Allah. Et donc ils avaient de l'amour pour Allah. Mais ils aimaient leurs idoles aussi comme ils aimaient Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ce verset qu'on répète souvent, qui nous prouve aussi qu'ils aimaient Allah. Donc on ne dit pas qu'ils ne croyaient pas en Allah. On ne dit pas qu'ils n'aimaient pas Allah. On ne dit pas qu'ils ne vénéraient pas Allah. Certes, si, ils l'aimaient, ils le vénéraient, ils croyaient en lui. Mais avec lui, ils aimaient autre que lui. Qu'est-ce qu'on comprend du verset ? Allah n'accepte pas. Qu'on aime avec lui un autre que lui, dans l'amour d'adoration. Donc le monothéiste, qui veut croire en un seul Dieu, en un seul créateur, subhanahu wa ta'ala, il ne doit aimer d'un amour d'adoration que lui. Et d'ailleurs, cet amour-là, l'ayjtamiran, ces deux amours, un amour pour lui d'adoration, et d'un autre, d'un amour, aimer un autre, d'un amour d'adoration, l'ayjtamiran fi qalbin wahid. Il ne cohabite pas. Ça ne peut pas cohabiter dans un seul cœur. L'un l'emportera sur l'autre. L'un l'emportera sur l'autre. Sauf que Ibn Qayyim dit une très belle parole. Il a souvent été appelé le médecin des cœurs. Tabib al-Quloub. Il dit une très belle parole. Si l'amour d'adoration d'un autre que le Créateur l'emporte, alors Allah éprouvera la personne par cet amour. Il sera éprouvé par cet amour. De sorte qu'il va devenir esclave de son amoureux. Et cet amour-là va devenir à Jahannam. Et subhanallah, on le voit. Lorsque c'est un amour d'adoration qui est voué à autre qu'Allah parmi les créatures, on voit qu'ensuite la personne il est emprisonnée. Et cet amour-là est devenu une épreuve. Certains en viennent jusqu'au suicide. Si ils perdent leur bien-aimé. Tellement ils l'adorent ou l'aiment d'un amour démesuré. Parce que c'est un amour d'adoration. Et le croyant, lui, sait que cet amour, il ne le voue qu'à son créateur, subhanahu wa ta'ala. On a bien détaillé cela, on a dit les différentes catégories, lorsque c'est un amour d'adoration. On ne parle pas de l'amour naturel, on a droit d'aimer, le musulman il aime. Le musulman au contraire, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour les autres. Allah ne nie pas cela dans le Coran. Ne nie pas cela dans le Coran. Et même si, c'est pour ça que parfois on ne médite pas assez le Coran. Et beaucoup de gens parfois utilisent notre ignorance du Coran pour argumenter et justifier des choses qui, en réalité, ils utilisent notre ignorance à nous. C'est notre ignorance qu'ils utilisent. Sinon, dans le Coran, subhanallah, combien de versets où Allah azzawajal nous appelle à être affectueux. Regardez, lorsque Allah azzawajal parle de l'époux et de l'épouse, Allah dit, c'est lui qui a fait que l'homme et la femme sont époux et épouse. Et Allah, il dit qu'il a mis une chose entre l'époux et l'épouse. Entre les deux, il a mis une chose. Ja'ala shay'an. Il a mis quelque chose. Il dit mawaddatan wa rahma. Il a mis deux choses entre l'homme et la femme. Al mawadda wa rahma. Qu'est-ce que c'est le mawadda? Al mawadda, c'est l'amour. Souvent dit l'affection. Donc c'est pas nier. On peut aimer son épouse, comme le prophète sans s'aimer aimait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Aimer mashallah Khadija. Et donc Allah dit que dans le couple, il y a deux choses, al-mawadda wa rahma. C'est pour ça que les savants disent que dans un couple, il doit avoir les deux choses, al-mawadda et rahma, et que le couple doit être basé sur la relation entre l'homme et la femme, doit être basé sur de l'affection et de la miséricorde. C'est ça, pour vraiment le couple soit bâti sur des bases solides. Par contre, ils disent, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il reste rahma. Il reste de la miséricorde. De sorte que l'un des deux, l'époux ou bien l'épouse, ne peut pas être injuste envers l'autre. Ne peut pas être injuste envers l'autre. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exhortait à épouser une femme pieuse, ou bien à la femme pieuse d'épouser un homme pieux. Et c'est pour ça que les savants exhortent à cela. Pourquoi ? Parce qu'un homme pieux, même si son affection pour son épouse parfois diminue, la flamme parfois peut diminuer, mais jamais il ne sera injuste envers elle. Tandis que celui qui n'est pas pieux et qui n'est pas vertueux, lorsque l'affection diminue, la flamme est en train de diminuer. Parfois, elle peut s'éteindre. Parfois, ça reprend. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes comme cela. On ne peut pas nier ces réalités-là. Celui qui n'est pas vertueux, pas pieux, sera injuste et fera preuve d'injustice. Mais celui qui est vertueux ne sera pas injuste. Parce qu'il y a de là rahma. Et puis lui, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous dit en plus dans le verset, et si vous voyez en elle des caractéristiques, des choses qui vous répugnent, que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, avec mémoire moi dans une explication, Allah dit, mais il se peut qu'Allah azza wa jal a mis en elle des choses, mashallah, des choses qu'on ne peut que apprécier. Donc s'il y a des qualités qu'on n'aime pas forcément, qu'on n'apprécie pas forcément, mais Allah a mis en elle des choses appréciables. Et comme cela est le croyant. Donc là, c'est un rappel sur Al-Mawadda, sur l'amour. Donc nous, ça c'était une petite parenthèse, quand on parle d'amour, pour Allah Azza wa Jal, c'est un amour spécifique. C'est ce qu'on appelle Mahabbatul Ibadah. Donc tout le temps on le répète parce que ça c'est très important de faire la distinction. Cet amour-là, Mahabbatul Ibadah, on ne l'a que pour Allah Azza wa Jal. On ne partage pas. Parce que Allah n'aime pas. Comme on ne dit pas qu'il y a un autre créateur avec Allah Azza wa Jal, les adorations, on lui assigne pas un semblable, un égal et un associé dans l'adoration aussi. Et cet amour-là, c'est un amour d'adoration. Alors regardez maintenant. Après avoir cité le hadith précédemment qu'on a étudié, l'auteur cite d'autres hadiths. Et là, il va citer un hadith immense. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'heure, le jugement dernier, oh pardon, pas le jugement dernier, l'heure, la fin des temps, ne viendra pas jusqu'à ce qu'elle se produira. Elle viendra, elle adviendra l'heure que sur les mauvais, les pires des gens, les pires des hommes. Lorsque viendra la fin du monde, la dernière heure, lorsque sonnera, ça y est, la fin du monde, la fin de ce monde, la fin de cette vie. On l'appelle As-Sa'a. Qiyam As-Sa'a. Lorsque la dernière heure viendra, elle viendra que sur les pires créatures. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il ne restera plus de pieux, de gens bien, de vertueux. Qiyam As-Sa'a, l'heure ne viendra pas, alors que sur terre, il reste des vertueux, il reste des pieux. Comme le signifie ici, nous l'enseigne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « وَالَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدٍ » Et ne viendra que sur ceux, « وَالَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدٍ » Et elle viendra aussi sur ceux, les pires des gens, comme on a dit, première catégorie, et les cite une deuxième catégorie, ceux qui prenaient les tombes comme mosquées, comme lieu de prière. Subhanallah. Ce hadith, il est immense. Et ils disent que la première partie, elle est dans l'authentique de l'Bukhari, mais « mu'allaqan ». On a déjà expliqué c'est quoi le terme ta'liqan, mu'allaqan. C'est-à-dire que Bukhari, là, n'a pas cité de chaîne de transmission. Il le cite sans chaîne de transmission. Il y a des hadiths, parfois, dans le Bukhari, on dit ta'liqan. C'est des mu'allaqan. Il est cité. Et la deuxième partie, elle est dans le musnad de l'imam Ahmed aussi, comme on peut la retrouver. Le fait que l'heure ne viendra pas, alors que sur terre se trouvent des hommes pieux, des vertueux, c'est confirmé dans d'autres récits aussi. Dans un autre hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « À la fin des temps, viendra, avant que vienne le dernier moment, la dernière heure, viendra un vent du Yémen, un vent doux du Yémen qui reprendra les âmes de tous les bons, de tous les vertueux. » Il est dit dans le hadith de manière plus littérale, il est dit dans le hadith « De tout musulman ou de toute personne qui avait ne serait-ce le poids d'un atome de foi dans son cœur. » Le poids d'un atome de foi dans son cœur. C'est-à-dire que le jour, un jour avant là, le dernier moment de cette vie, avant l'arrivée de la fin des temps, avant viendra et reprendra l'âme de toute personne bonne, vertueuse, toute personne qui avait au moins dans son cœur « mithqala dharra » le poids d'un atome de iman, de foi. Et donc leur âme sera reprise. Il ne restera plus de mu'min, mu'ahid, muslim, ayant dans son cœur le poids d'un atome de foi. Et donc, il restera shirar al-khalq. Il restera les pires des gens. Pourquoi ? Parce que l'heure ne viendra pas. Et dans les récits, il est dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. La yadurruhum man khazalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullah » fi riwaya. Et dans une riwaya, il est dit « La tazalu ta'ifatun min ummati mansourina ila qiyam al-sa'a » fi riwaya. Dans une riwaya, il est dit « Mansourin ila qiyam al-sa'a » قيام الساعة بمعنى قرب قرب قيام الساعة عند اقتراب الساعة. Dans un autre hadith, lorsqu'il est dit, il restera toujours, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une traduction relative du sens du hadith, que les prières et le salut et la bénédiction sont notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne cessera d'avoir un groupe de ma nation sur la vérité dans l'apparence. Je vous traduis littéralement, pas l'explication du récit. En apparence, sur la vérité. La yadurruhum man khadalahum. Et en aucun cas ne nuira ceux qui les délaisseront. Wa man khalafahum. Et ceux qui vont les contredire. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah viendra, dans une version. Dans une autre version du récit, il y a plusieurs riwayats qui sont rapportés. Dans une autre riwayat, il a dit La tazalu ta'ifatun min ummati mansourin ila qiyam sa'a. Dans la version première, on a dit « jusqu'à l'arrivée de l'ordre d'Allah ». Dans cette version-là, il est dit « ila qiyam al-sa'a » jusqu'à l'arrivée de l'heure. L'arrivée de l'heure, c'est dans le sens, et ça, ils ont dit « à l'approche de l'arrivée de l'heure ». Sinon, lorsque viendra l'heure, il n'y aura plus de croyants, de gens bons. L'heure viendra sur les plus mauvaises créatures. Jusqu'à ce qu'il est dit dans les récits, il y aura un fesed incroyable, inimaginable. Et ce qui prouve cela aussi, il y a un autre hadith, que l'heure ne viendra pas jusqu'à même qu'il n'y ait plus l'évocation du nom Allah, Allah. Il n'y aura plus de gens qui diront Allah, Allah. Il n'y aura plus l'évocation du nom Allah, Allah, lors de l'arrivée de l'heure. C'est pour cela que certains s'étonnent qu'il y aura la destruction de la Kaaba par Min Alamat al-Sa'a. Parmi les signes de la fin des temps, la destruction de la Kaaba. Mais l'heure ne viendra pas alors qu'il y aura la Kaaba, alors qu'il y aura même Kitab Allah, le livre d'Allah, comme c'est stipulé dans des récits. Même les pieux, les vertueux, l'heure ne viendra pas alors que sur terre, il y a Kitab Allah, il y a la Kaaba, il y a des vertueux, des muahidoun, al-mu'minoun, ne serait-ce une personne qui a le poids d'un atome de foi. L'heure ne viendra pas sur eux. Il n'y aura même pas l'évocation. Il est dit dans le récit, jusqu'à ce que même Allah, Allah, il n'y aura pas l'évocation comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Ça, c'est en résumé une petite description à l'arrivée de l'heure. À l'arrivée de l'heure. C'est pour ça, plus on lit les textes, plus on est heureux. Qu'Allah Azza wa Jal nous ait guidés dans le droit chemin. Et on l'implore toujours qu'on fasse partie des gens vertueux, des gens bons et justes. Wa fi ayran, et le prophète en salam dit aussi, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid, ala fala tattakhidu al-qubur masajid, fa inni anhaakum aw inni anhaakum an dhalik. Et là on voit que le prophète en salam dit, et certes ceux qui étaient avant vous ont pris les tombes comme lieu de prière. Et le prophète dit « Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid »« Oh, ne prenez pas les tombes comme mosquée, comme lieu de prière. »« Inni anhaakum an dhalik » Le prophète dit « Je vous interdis certes cela. » Subhanallah, les textes sont tellement clairs, tellement évidents. Ces hadiths-là, ce sujet-là, vous allez dans certaines contrées, certaines régions, je dis bien de pays musulmans, si vous faites cette darwa-là, vous êtes en danger. Surtout à une certaine époque, dans certains pays musulmans, Si vous leur dites le culte des saints, le culte des pieux, le culte des vertueux, vos tawaf autour du mausolée, vos sadaqat ne sont pas acceptés du Créateur. C'est contraire à la religion musulmane et au message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous risquez de ne pas être en sécurité. Je ne parle de terre musulmane, où les gens disent « La ilaha illallah ». Alors que, et c'est une réalité, alors que ces dernières décennies, parce que nous on juge par rapport à notre waqia, notre génération à nous, malgré que c'est toujours présent dans notre génération, mais ces dernières décennies, il y a eu, dans certains pays musulmans, amélioration. Mais si vous lisez des décennies en arrière, Wallah al-Azim, chez Ajib, jusqu'à ce que l'un des grands savants, il disait dans les années 60 et les années 70, c'est un grand savant, l'un des plus, les savants les plus savants du royaume, fi maddat al-aqida, dans le domaine de la croyance et du tawhid. Et lui, il est décédé maintenant, il est décédé il y a des décennies. C'est un contemporain de Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, de grands savants contemporains. Il dit que, alhamdoulillah, commence à se propager de tawhid dans les années 60-70. Il y a une amélioration, il dit. Avant, imaginez-vous, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et nos anciens, maintenant qu'on leur parle de tawhid, eux connaissent la différence qu'il y a dans certains pays musulmans. Eux, ça là, ils ne connaissaient pas. On leur a jamais raconté ça. Ils n'ont jamais entendu ces récits-là de cette manière. C'est pour ça que dans une assise, on avait fait la distinction, comme l'ont dit certains savants, entre une prédication et un appel qui est général et un appel qui est détaillé. L'appel général, tout le monde peut le faire. Tawhid. Ad'ukum ila tawhidillah. Il n'y a pas de souci. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. De citer les versets, il n'y a pas de souci. Laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Ça, d'une manière générale, tu peux citer les textes. Mais si tu rentres fit tafasil, il y a certains dans certains pays ne peuvent pas. Là, on ne parle pas de jurisprudence, de droit musulman. On parle de ça, l'adoration d'un créateur unique. Ce sont des gens qui disent La ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Allez lui dire que tu ne peux pas faire un nazar pour Sahib al-Qabr, la tombe qu'il vénère. Allez lui dire que nous, on ne prie pas dans une mosquée où qu'il y a une tombe. Parce que comme on l'apprend, on revient un peu au début. Regardez, au début, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? On a parlé de la malédiction qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, comme on a dit, ont dit, donc ça veut dire que c'est min kaba'ir dhunub, ça fait péché, partie des grands péchés capitaux. Le fait, le sens de prendre une tombe comme mosquée, dans le sens lieu de prière, quel est le sens de cela? Est-ce que c'est, je vais poser la question à un volontaire. Qui est-ce qui est volontaire? Moi, je connais un courageux dans l'assise, il est volontaire, je connais un courageux. Ah non, là, d'abord un volontaire, ensuite je pose la question. Mashallah, je ne me suis pas trompé. Lorsqu'il est dit, l'interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prendre les tombes comme mosquées, littéralement, mais c'est lieu de prière. Lieu de prière. Quel est le sens de cela? C'est-à-dire que celui qui va prendre la tombe ou le cimetière comme lieu de prière, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'interdiction est liée au fait qu'il adore le mort ou pas forcément il adore l'occupant de cette tombe? Voilà, c'est ça l'interdiction. D'accord. Je te réitère la question. Par exemple, juste le fait de à côté de la tombe sans que lui adore l'occupant de la tombe, ça rentre dans le hadith ou pas? Donc est-ce que donc le prophète, ce qu'il veut dire, c'est il nous a interdit de prendre la tombe comme lieu de prière en priant le mort, c'est ça qui est voulu, ou de prier d'une manière générale? Arsent. Très bien. Ici, beaucoup pourraient comprendre que non, ce qui est interdit, c'est la tombe. La tombe, ce que le prophète dit. L'interdiction, c'est de prendre comme lieu de prière, c'est-à-dire de prier l'occupant de la tombe. C'est pas ça. Regardez, on a même un indice de ce que va nous dire l'auteur. Vous voyez ce qu'il dit ? Les savants disent qu'il y a deux interdictions ici, sous-entendues. Ne prenez pas les tombes comme lieu de prière. C'est dans le sens. Ni il faut y prier, ni priez pas. Il n'est pas dit que sahib al-qabr, c'est de ne pas prier près de la tombe. C'est-à-dire d'en faire un lieu de prière. Tout simplement. Donc, même si on prie Allah, c'est ça la question, c'est sous-entendu ici dans le hadith qu'il prie Allah, proche de la tombe. C'est ça qui est interdit. De prier Allah proche de la tombe. Ou bien d'édifier sur la tombe. C'est interdit. C'est deux choses qui sont citées. Ça sous-entend ces deux choses, disaient les savants. Allah tattakhidu al-qubur masajid. Ne prenez pas les tombes comme mosquée, lieu de prière. Il y a interdiction d'édifier et interdiction de prier Allah proche de la tombe. Si là, la personne, lui, adore sahib al-qabr, l'occupant de la tombe, là, c'est autre chose. Hada shirkun billah. Là, c'est du grand polythéisme. C'est du grand polythéisme. Là, ici, dans les hadiths, le fait juste de prier Allah Azza wa Jal proche de la tombe, c'est la prendre comme masjid, lieu de prière. Il y a l'arna. Il y a la malédiction. Donc le musulman ne peut pas faire cela. L'indice aussi qui corrobore avec l'explication des savants. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. Pour ça, il faut bien lire les phrases. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها. Il le dit bien, l'imam al-Maqrizi. Il a, certes, le prophète a maudit celui qui prend. Il a maudit celui qui prend les tombes comme mosquées, lieu de prière ici, littéralement, ou dans l'explication. يصلى لله فيها. En priant Allah. En ce lieu, en priant Allah dans ce lieu. فَكَيْفَ مَنِ اتَّخَذَ الْقُبُورَ أَوْثَانًا تُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et alors il dit, quel est le cas de celui qui prend cette tombe-là comme idole ? Idole, c'est autre chose. Idole, ça veut dire là, la tombe, elle est adorée. Donc dans le hadith du prophète, on pourrait comprendre que le prophète a interdit qu'elle soit adorée. Bien sûr, c'est sous-entendu, a fortiori. Mais ce n'est pas seulement qu'elle soit adorée, juste de prier Allah Azza wa Jalla en ce lieu. C'est pour cela que beaucoup de musulmans, eux, considèrent que par exemple, c'est connu de nos jours, mais dans les temps précédents, c'était répandu. Jusqu'à aujourd'hui, dans le monde musulman, c'est répandu. Pour eux, beaucoup de musulmans considèrent qu'une prière dans un cimetière ou proche de la tombe du wali, d'un vertueux, elle est propice, elle est meilleure. C'est la conviction de beaucoup de musulmans. De prier en ce lieu, c'est meilleur qu'un autre endroit. C'est pour cela que beaucoup, par exemple, vont dire, ils prient à cet endroit-là, ils invoquent à cet endroit-là, ils font des offrandes, etc. Ils pensent certains que yatahara al-makan, qu'il y a une bénédiction, que c'est meilleur de prier à cet endroit-là. C'est pour ça que vous trouvez, par exemple, beaucoup de mosquées dans le monde musulman où ces mosquées-là, il n'y a pas une mosquée sans qu'il y ait une tombe à l'intérieur. La tombe de l'ancien cheikh. Je me rappelle une certaine période, on était dans un certain pays, et lorsque parfois on rentrait dans une mosquée et on voulait prier, on était obligé de regarder s'il n'y avait pas une tombe. Beaucoup de mosquées, on s'est étonné, subhanallah. On s'est étonné, beaucoup de mosquées, il y avait des tombes. Moi, il y a une tombe. Et c'est pour cela que les savants disent que nous, dans notre religion, dans l'islam, on n'introduit pas de tombe dans les mosquées. Ni on construit une tombe dans une mosquée, ni on introduit une tombe, on enterre un mort dans une mosquée, ou à l'inverse, ni on bâtit, on construit une mosquée sur une tombe. Ça ne va pas ensemble. Si la tombe a été rentrée, introduite dans la mosquée, après l'existence de la mosquée, que celle-ci soit construite, alors le droit revient à la mosquée. Le droit revient à la mosquée. Si la mosquée a été construite sur des tombes, ou une tombe qui était existante avant la construction de l'édifice de la mosquée, le droit revient à la tombe. Les savants disent même qu'il faut détruire la mosquée. Et donc, nous, on ne prie pas. Il y a même un athar qui est rapporté de Anas. Anas ibn Malik, un jour il priait. Il a prié à proximité d'une tombe. Il a prié à proximité d'une tombe, sans avoir fait attention. Il y avait Omar. Et Omar lui a dit, Anas, Anas, al-qabr, ya Anas. Il dit, ya Anas, al-qabr, la tombe, la tombe. Il est rapporté. Et Anas n'avait pas fait attention à la présence de cette tombe. Le musulman n'adore pas Allah Azza wa Jalla à proximité des tombes. À plus forte raison d'adorer la tombe. Alors maintenant, j'ai une autre question. Pour qui ? Masha'Allah. Masha'Allah. Yaqul an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kama sayati al-hadith. Ma ma'na, quel est le sens du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe un wathan. Yu'bad. Ma ma'na hada. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Arsène. Naam. Ziyada. Zawitriya. Zitriya. Hada Allahumma. Yani fiya dua. Yani mada talab al-Nabi sallam. Ma huwa talab al-Nabi sallam. Arsène. Sallallahu ilayk. Hada huwa. Il y a un hadith. On va le voir et l'auteur va le citer, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a invoqué Allah Azza wa Jal. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Traduction relative. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué. Il a demandé à Allah Azza wa Jal. Ça prouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas que ça lui arrive comme ça arrivait dans les communautés précédentes. Et pour d'autres prophètes. Mais d'ailleurs, en parlant d'autres prophètes, jusqu'à aujourd'hui, la hikmah d'Allah Azza wa Jal fait qu'on ne connaît pas l'endroit exact de l'existence où il y a la tombe d'un prophète. On ne connaît pas l'endroit exact où est enterré Nuh al-Yom, la tombe de Moussa alayhi salam, de Isa, l'endroit exact. Le seul, il dit Ibrahim alayhi salam en Palestine. Allahu a'lam, on ne sait pas. Sinon, on ne connaît pas. Le seul où qu'on sait où qu'il est enterré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a invoqué Allah azza wa jal. Que sa tombe ne soit pas une idole adorée. Et ce hadith, en réalité, il est immense. Parce que le prophète, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah stajaba du'a'a. Et Allah a exaucer la demande du prophète. Et ce hadith, il est immense, on verra plus en détail l'explication, parce que l'auteur va le citer. Il va le citer. Et on verra que si le prophète ne veut pas que sa tombe soit adorée, et jusqu'à aujourd'hui, wallillahi alhamd, par la grâce d'Allah, la tombe du prophète n'a pas été adorée. Pourtant, on aime le prophète. C'est notre modèle, c'est un exemple. Habibuna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne va pas jusqu'à vouloir que sa tombe soit adorée. Et jusqu'à adorer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous a enseigné, lui, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si sa tombe, il ne voulait pas qu'elle soit adorée. À plus forte raison, le prophète n'accepte pas, n'aurait jamais accepté qu'une tombe d'un autre que lui soit adorée. Quel que soit le degré de ce shir, de salihin et l'akhiri. Alors l'auteur a cité, c'est pour ça, des hadiths concernant cela. Jusqu'à ce qu'il cite le récit concernant que le prophète aussi a interdit Zawarat al-Qubur wa la'ana. Le prophète a maudit celle qui multiplie. Beaucoup de savants ont expliqué Zawarat al-Qubur, c'est celle qui multiplie la visite des tombes. Wa al-Muttakhirin alayhi al-Masajid wa al-Suruj. Et ceux qui en font des mosquées, des lieux de prière. Donc on voit qu'on a une interdiction de prier. Une interdiction de prier à proximité des tombes. Le musulman ne fait pas. Wa al-Suruj. Les illuminer aussi. De mettre de la lumière. Le prophète sallam a interdit cela. On ne les éclaire pas. Pourquoi ? Parce que les savants ont expliqué. Ça pourrait mener les gens à penser que c'est des endroits qu'il faut, mashallah, peupler, y venir, méditer, contempler, se rapprocher, invoquer, adorer en ces lieux. Puisque ça instaure une certaine ambiance lorsque c'est illuminé. Et donc le prophète a interdit cela. Donc les croyants n'illuminent pas, ne mettent pas de lumière. C'est pour ça que vous voyez qu'Al-Baqir, par exemple, à côté de la mosquée du prophète, en somme, Al-Baqir, il n'y a pas le soir, c'est pas illuminé. À l'exception en fait où il y a permission lorsqu'on veut enterrer la nuit. Donc lorsqu'on veut enterrer la nuit, alors là on peut venir avec des lampes. On peut venir avec des lampes, on peut illuminer pour enterrer. La cause, c'est parce qu'à ce moment-là, on veut enterrer. Sinon, mettre des lumières et que, par exemple, toute la nuit, il soit illuminé, qu'il y ait des lumières dans le cimetière, fala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ. Regardez tous les récits. Et dans un autre récit, il est dit que la colère d'Allah s'est intensifiée sur un peuple qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Subhanallah. Wa qala wa inna man kana qablakum kanu idha mata fihim ar-rajul as-salih banu ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika sharru al-khalqi inda Allah. Et le prophète dans un autre récit dit: ceux qui étaient avant vous, lorsque un homme pieux et vertueux décédait, alors il prenait sa tombe comme lieu de prière. Wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Et il commençait à ériger, à façonner, à émettre des représentations. Le prophète dit, ceux-là sont les pires des gens, des créatures. Et donc l'auteur, vous avez vu, mentionne des récits sur cela. Alors là, le musulman n'a plus de doute lorsqu'il entend ces récits du prophète. Il ne peut pas adorer Allah Azza wa Jalla proche d'une tombe. Et donc, en l'occurrence, il ne peut pas y avoir, dans une mosquée, surtout fi jihat al-qibla, en direction de la qibla, une tombe. Et qu'on se prosterne devant cette tombe. Notre prosternation est pour le Seigneur de l'univers. Subhanahu wa ta'ala. Et là, l'auteur va faire un très beau taqsim, une très belle explication. Par contre, ensuite, le jugement de cela diffère. Il va dire, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ أَرَنِي زِيَارَةَ الْقُبُرْ ثَلَاثَةَ أَقْسَامِ. Il dit maintenant, en ce qui concerne la visite des tombes, il y a trois catégories qu'il va citer. Il va citer une très belle subdivision pour bien comprendre le jugement de cela. Et dit والناس في هذا الباب أغني زيارة القبور ثلاثة أقسام قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه زيارة الشرعية وهذه الزيارة الشرعية وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. Alors il dit trois catégories. Premièrement, des gens qui visitent les cimetières, les tombes, ils visitent les morts, ici, pour se rappeler, ou pour invoquer en leur faveur, en faveur des morts, en faveur des morts. Et dit, celle-ci, elle est légiférée, on a le droit. Donc, les musulmans, il leur est pas interdit de visiter les tombes. Ce qui est interdit, on a dit, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla dans ces tombes. Mais sinon, visiter les tombes, on a le droit. D'invoquer en faveur des morts, c'est-à-dire on invoque pour le mort, on invoquait Allah. Pas l'occupant de cette tombe. L'occupant de cette tombe, lui, il a besoin des invocations du vivant. Mais le vivant, le mort ne peut rien pour lui. C'est l'inverse. Le vivant peut quelque chose pour le mort. Qu'est-ce qu'il peut invoquer en sa faveur? Donc, visiter les tombes pour invoquer en faveur du mort, dire à Allah de lui pardonner, par exemple. Qu'il fasse que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, par exemple. Qu'il élargisse cette tombe. Qu'Allah lui accorde la félicité. Ça, c'est permis. Et aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il avait interdit la visite des tombes. Ensuite, le prophète l'a autorisé et a dit « Fazuruha fa innaha tuzakkir al-maut ». Visitez-les, les morts, parce que ça fait remémorer, ça fait rappeler la mort. Ça nous fait rappeler la mort. Donc aussi, parmi les causes et les sagesses de visiter les cimetières, de visiter les morts, c'est légiférer de se rappeler aussi la mort. Parce que c'est la prochaine demeure du vivant. حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة نكمل on termine juste sur cette subdivision. Donc le fait de visiter les morts, de visiter les tombes, donc c'est légiféré. Et les savants disent qu'il y a deux bienfaits. Il y a deux bienfaits en cela. الفائدة الأولى الاعتبار والاتعاظ بتذكر بالآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الموت. Et donc le premier bienfait, c'est de se rappeler l'au-delà. C'est de se rappeler notre demeure et notre place dans l'au-delà, de se rappeler la mort. Et donc lorsqu'on visite un mort, il y a ce rappel là. Il y a ce rappel là et dans un hadith le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit اكثروا من ذكر هذه من اللذات. Multiplier le rappel de celle qui détruit les plaisirs dans une traduction littérale, relative. Multiplier ce rappel-là. وَالْفَيْدَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّكَ تَدْعُو لِلْمَيِّتِ. Et le deuxième bienfait qu'il y a, le fait d'invoquer en faveur du défunt. Le défunt, comme on l'a dit précédemment, il a besoin des invocations du vivant. Que ce soit l'enfant pour ses parents, d'invoquer toujours l'enfant pour ses parents, que ce soit une tierce personne, même s'il n'a pas le lien de parenté, mais d'invoquer. Donc il est bon d'invoquer pour les défunts. D'invoquer qui? Allah Azza wa Jal, qui leur accorde miséricorde, qui leur pardonne leurs fautes, qui leur pardonne les péchés. C'est ça qu'ont besoin les défunts. C'est pour ça, si on a un proche parent qui est décédé, même si ça fait de nombreuses années, il faut toujours invoquer. Et souvent on fait ce rappel parce qu'il y en a qui invoquent les premiers mois, la première année, la deuxième année. Ensuite, avec le temps, cette personne est oubliée. Et donc ses proches commencent à délaisser l'invocation en faveur de ce défunt. Celui qui a une maman qui est décédée il y a très longtemps, invoquez pour elle. Celui qui a un père qui est décédé il y a très longtemps, invoquez. Celui qui connaît des hommes qui méritent ces invocations-là, ne pas délaisser l'invocation du défunt. C'est pour cela que dans cette vie d'ici-bas, il faut laisser une bonne image. Parce que dans un hadith, le prophète Sansam, il dit il y a deux personnes. Lorsqu'elles décèdent, un c'est un repos pour les autres, et l'autre sa tombe sera un repos. La mort, c'est-à-dire, est un repos pour lui. Soit la mort est un repos pour toi, soit tu as un repos pour les autres. C'est-à-dire cette personne, tellement il a fait des préjudices, causé du tort aux autres, lorsqu'il décède, c'est un repos pour les habitants sur terre, pour les gens. Il ne faut pas faire partie de ces personnes. Il faut laisser une bonne image. Malgré qu'on n'adore pas les gens. Mais il faut laisser une bonne image de sorte que les gens, lorsqu'ils se remémorent à la personne, ils ont envie d'invoquer pour cette personne. Et n'oublie pas le khair de cette personne. Et c'est ça que veut le croyant dans cette vie d'ici-bas. Donc c'est ça le but de Ziyarat al-Qubur. C'est ça les deux fa'ida. Ensuite, al-Qism al-Thani. قَوْمٌ يَزُورُونَهُمْ يَدْعُونَ بِهِمْ فَهُوَ لَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِي الْإِلَهِيَةِ وَالْمَحَبَّةِ Deuxième catégorie, ceux qui sont nombreux chez les musulmans. Ceux qui vont visiter les morts, les tombes, mais pour chercher l'intercession de ces morts. Donc c'est-à-dire, ils vont invoquer Allah par ces morts, par l'intermédiaire de ces morts. Ils se disent... C'était un pieux, c'était un wali, c'était un vertueux. فَلَهُ مَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ فَلَهُ جَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَيَشْفَعْ لِي Il va intercéder en ma faveur. Et lorsqu'on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, هذا شيخ كان شيخا ما شاء الله. C'est un grand شيخ. وَلِي مِنْ أَوْلِيَا إِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَهُ مَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَوْ دَعَوْتُ اللَّهِ بِهِ C'est ça ce chrisme-là, attention. لَوْ دَعَوْتُ اللَّهِ بِهِ فَهَذَا يَشْفَعْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لِيَ Alors il se dit, si je l'invoque, j'invoque Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de celui-ci. وَهَذِي مَسَّلَةَ الْإِتِّخَادِ الْوَسَائِطِ وَالْوَسَائِلِ مَسَّلَةَ التَّوَسُّلِ مَسَّلَةَ هَذِهِ التَّوَسُّلِ هَذَا كَثُرَ وَانْتَشَرْ فِي بِلَدْنَا هَذِهِ الْمَسَّلَةَ انْتَشَرَتْ في بلادنا مع الأسف هذا القسم الثاني والقسم الثالث قوم يزورونهم فيدعونهم بأنفسهم أو يدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية dans la deuxième catégorie il est quand même dit c'est du shirk dans l'ulouïa de prendre ses intermédiaires même si on recherche juste intercession et que c'est des intermédiaires les savants disent c'est un polythéisme في الulouïa dans l'adoration et l'amour لكن القسم الثالث c'est là il les visite ces morts pour les adorer et les invoquer eux pour l'invoquer eux et ça c'est un polythéisme dans الربوبية نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يحسن ختامنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك